Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. Faites beau rêve, fiston. Mes amis m'appellent Flegme. Monsieur Bill, pourriez-vous nous indiquer votre erreur? Je suis tombée? Non, non, avant ça. Quelqu'un peut-il me dire quelle a été la grande erreur de Monsieur Bill? Vous ne voyez pas? Jetons un coup d'œil à la cassette. Voilà. Juste là. Là, vous voyez? La porte, il l'a laissée grande ouverte. Et laisser la porte ouverte est la pire erreur qu'un employé puisse faire parce que... Ça peut faire des courants d'air? Ça peut laisser entrer un enfant! Oh! Monsieur Waffles! Il n'y a rien de plus toxique ou de plus mortel qu'un petit enfant humain. Vous pouvez mourir s'il vous touche. Laissez la porte ouverte et un enfant peut entrer directement dans cette usine, tout droit dans l'univers des monstres. Je ne veux pas aller dans une chambre d'enfant, ne m'y obligez pas. Vous allez y aller parce que nous avons besoin de ceci. Notre ville compte sur vous pour recueillir les cris de ces enfants. Sans ces cris, nous n'avons plus d'énergie. Oui, c'est un travail dangereux, et c'est pour ça que je veux que vous fassiez de votre mieux. Je veux des frousseurs qui ont de l'assurance, de la ténacité, de la force, et qui savent intimider. Je veux des frousseurs à l'instar. À l'instar de James P. Sullivan. Bonjour à tous les habitants de la métropole. Il est maintenant 6h05 exactement dans la grande ville des monstres. Le thermomètre indique 18 degrés, un temps doux que tous les reptiles sauront apprécier. Et ça s'annonce comme une journée idéale pour peut-être rester au lit, dormir, ou simplement bouger tout ce surplus de poids qui repose sur le lit. Debout, Sally. Je ne crois pas t'avoir demandé de sonner, clairon Mickey. Tais-toi et souffre, espèce de guimauve. Ça turbine. Tu te prends vraiment pour un monstre. Pied de frousse, pied de frousse, pied de frousse. L'enfant se réveille. Allez, pied de frousse, pied de frousse, pied de frousse, pied de frousse, l'enfant dort. Des jumeaux, des lits superposés. Je t'ai presque eu. D'accord, Sally, allons-y. T'es prêt? À mon rang. Oh, il est ici. Oh, regarde là-bas. Oh, ne le laisse pas te toucher. Ne le laisse pas te toucher. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit. J'ai fait les enfants au lit. Combattons le tartre. Combat ce tartre. Les monstres qui font peur n'ont pas de tartre. 118. On y va pour 119. Est-ce qu'on y va pour 120? Oh, c'est incroyable. Une bonne petite goutte de sueur. Pas toi, regarde. C'est notre nouvelle annonce publicitaire. Chez Monstres Incorporés, l'avenir nous sourit. Je suis dans celle-là. Nous faisons rouler vos voitures, nous chauffons vos maisons, nous éclairons vos villes. Et Monstre Incorporé, c'est moi. Et t'as vu, c'est Betty. Nous prenons grand soin de choisir le monstre idéal pour chaque enfant, afin de produire un cri de qualité supérieure, que nous raffinerons en une source d'énergie propre et fiable. Chaque fois que vous allumez quelque chose, Monstre Incorporé est là. Et Monstre Incorporé, c'est moi. Nous sommes à la hauteur du défi. L'innocence devient une denrée rare, car il n'est plus toujours facile de faire peur à un enfant humain. Bien sûr, M.I. est pareil pour l'avenir. Avec nos frousseurs en chaîne, les meilleurs raffineries et la recherche portant sur de nouvelles techniques d'énergie. D'accord, me voilà. Tous, nous travaillons pour des lendemains meilleurs aujourd'hui. Monstres incorporés, c'est nous. M.I., les monstres incorporés. Chez nous, les frousseurs vous ont à cœur. J'arrive pas à y croire. Oh, Mike. Je suis passé à la télé. Est-ce que tu m'as vu? Je suis plein de talent. Allô? Je sais. Est-ce que j'ai pas été génial? Toute la famille l'a vu. C'est ta mère. Mais que dire de plus? La caméra m'adore. Je te rassure, mon petit père, tu vas voir mon minois à la télé pas mal plus souvent. Oh, ouais? Comme le monstre ne plus recherché par la police? Ouais. Tu es jaloux de ma splendeur depuis qu'on est en quatrième année. Bonne journée, mon chéri. Moi aussi, ma jolie. Oh, allez, Sully, vas-y, monte. Non. Mais où tu vas? Mais qu'est-ce si que nous tu sommes fais? En pleine pénurie de cris. On marche. Marcher? Allez. Non, mon bébé, écoute, elle a besoin qu'on la conduise. Aïe, bébé, je t'appelle. Si t'es si rusé, tu peux me dire pourquoi j'ai acheté cette voiture? Bah vraiment. Pour la conduire. Tu sais là, dans la rue, avec le klaxon et le broum-broum et la marche non comprise. C'est toujours la même chanson. Oh. Allez, fais un peu d'exercice. Faire un peu d'exercice? Non mais tu t'es vu, t'as ton propre climat. Bonjour Mike. Bonjour Sally. Hey, bonjour les enfants. Ça va bien? Oh, zut! La la la la la. Hey, camarade! Hey, Tony! J'ai entendu dire que quelqu'un allait bientôt pulvériser le record de la frousse. Oh, nous voulons simplement nous assurer qu'il y a assez de cris pour tout le monde. Hey, je vous les offre! Hey, merci! Grazie! Oh. Ah, génial! Salut, Ted! Bonne journée! T'as vu, Mike? Ted va au travail à pied. Tu parles! Il n'a qu'à faire 5 pas pour y arriver. Bonjour, Ricky. Hey, c'est le conseil. Bonjour à l'état des fousseurs. Salut, Marge. Hey, il paraît que t'as été juré. Hey! Le cadre penche encore vers la gauche. C'est pas vrai. Salut, les amis, ça va? Salut, Jerry. Bonjour. C'est pas mes vannes. Les gars, je vous ai déjà dit de m'appeler Sully. Je ne crois pas. On voulait juste vous souhaiter bonne chance pour... Hey, Retirez-vous d'ici, vous allez lui faire perdre sa concentration. On est désolé. À tout à l'heure, les gars. Vous les aurez, monsieur Sullivan. Tais-toi, tu vas lui faire perdre sa concentration. Oh non, désolé. Ferme-la. Monstre Zinc, ne quittez pas. Monstre Zinc, un instant. Mademoiselle Fermont est en vacances, je vous passe sa boîte vocale. Oh, mon petit chou d'amour. Gucci, mon poussin. Et joyeux anniversaire. Oh, Gucci Pucci, tu t'en es souvenu. Salut, Solimini. Salut, Célia. Pucha, joyeux anniversaire. Merci. Alors, est-ce qu'on fait quelque chose de spécial ce soir? J'ai réservé une table dans un petit bistrot chez Harryhausen. Harryhausen? Mais c'est impossible d'y avoir une réservation. Pas pour Gucci le poussin. Je te revois à la fin de la journée sans une minute de retard. D'accord, mon chéri. Pense à des choses romantiques, toi et moi, moi et toi, tous les deux ensemble. Tu sais quoi? C'est l'élu, c'est sûr. C'est l'élu de mon cœur. Vraiment super. Oh, et merci de m'avoir obtenu ces réservations. Avec plaisir. Et elles sont au nom de Gucci le poussin. Ah, oh, bonne... Tu sais quoi? C'est pas très drôle. What about you? Voyez-vous ça? Ça effraie les petits enfants et les petits monstres. Je n'ai pas eu peur. J'ai des allergies. Ouais, ouais, c'est ça. Hé, hey, Randall, garde ça pour l'étage des frousseurs, ok? Aujourd'hui, je suis dans la zone, Sullivan. J'ai l'intention de donner une sacrée frousse. Montez toutes sortes de grands numéros. Très bien, Randall. C'est génial. Comme ça, ce sera encore plus humiliant puisque nous serons les premiers à détenir le record. Chut. Vous entendez? C'est le vent qui tourne. Oui, attendez, c'est le vent qui tourne. Non, mais quel guape! Un jour ou l'autre, je vais vraiment te laisser lui donner une bonne leçon. Chaloupi, mon ami! Bonjour, Rose, mon succulent petit escargot de Bourgogne. À qui donnons-nous la frousse aujourd'hui? Wazowski, vous n'avez pas rempli les papiers hier soir. Oh, toute cette paperasserie, tout serait tellement plus facile si elle pouvait s'envoler. Que cela ne se reproduise pas. Ah, oui, bien, je vais essayer de faire plus attention. Je vous ai à l'œil, Wazowski. Oh oui, je vous ai à l'œil. Oh. Elle est cinglée. Tous les étages de l'ascenseur sont opérationnels. Les assistants sont priés de rejoindre leur poste. Et tout le monde, la côte est branchée. Les fousseurs se préparent à intervenir. Monstre gagne. J'y compte bien, ouais. On commence dans 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah! enfant, Mickey. Ouais. Oh, bon boulot, bon boulot, bon boulot. Envoyez une autre porte sur le choc. T'es toujours mon deuxième, Randall. Peut-être que je devrais réaligner la soupape. Peut-être qu'il va me chercher une autre porte. La porte, oui, la porte. Alors, Jerry, quels sont les résultats? Nous arriverons peut-être à atteindre les objectifs de la journée, monsieur. Une première ce mois-ci. Mais que se passe-t-il? L'enfant m'a presque touché! Elle n'était pas plus loin que ça! Elle n'a pas eu peur de toi? Elle n'a 6 ans! J'ai bien failli y passer! J'aurais pu en mourir! Un peu de sang-froid, s'il te plaît! Hé! Hey, nous avons une porte à condamner par ici! Nous voilà! Attention. Dégagez la porte! Excusez-nous! Nous avons perdu 58 portes cette semaine, monsieur. Oh, les enfants, de nos jours, ils n'ont plus aussi peur qu'auparavant. Un morceau! Monsieur... Quoi? Regardez. Regardez-moi ça. C'est tout un résultat. Une fête d'enfants. Eh bien, James, c'était une belle démonstration. Oh, je ne fais que mon travail, monsieur Waternews. C'est que, vous savez, j'ai appris du meilleur. Si je ne vois pas une autre porte à mon poste danseur, ce con, je vais te prendre et t'envoyer faire un tour dans le déchiqueteur. Hé, hey, Wazowski, bon boulot! Belle performance! Ah oui, tu sais, j'avais même pas remarqué. Et comment va George? Il va très bien. J'adore travailler avec ce gros zoo. Continue à m'envoyer les portes. Tout baigne aujourd'hui. George et moi sommes comme des frères. Ah, 23-19. Nous avons un 23-19. Enlevez ça. Oh non, pas là, c'est bizarre. Merci les gars, je l'ai échappé belle. D'accord tout le monde, à la pause. Nous fermons une demi-heure pour redémarrer le système. Tout un étage de frousseur qui ne rapporte plus. Il n'y a rien de plus fâcheux. Oh, quelle journée. On sait tous que les temps sont durs, monsieur. Tout le monde sait que vous allez nous sortir de là. Dites ça au conseil d'administration. James, cette compagnie appartient à ma famille depuis 3 générations. Je ferai n'importe quoi pour empêcher sa fermeture. Moi aussi. Dites-moi, je sais comment vous pourriez peut-être m'aider. Tout ce que vous voulez. Vous voyez, nous avons engagé des nouveaux fousseurs. Et pour tout dire, ils sont... Sans expérience. Ah, ils sont nuls. Alors je pensais que peut-être vous pourriez venir faire un tour demain et leur faire une démonstration. Vous leur montreriez de quoi est fait un fousseur en chef. Hein? Je leur ferai le grognement sautillant du très grand Waternoos. Ah, ah oui, c'est très bien, mon garçon. Allons-y, tout le monde. Toutes les portes doivent être tournées, sans exception. J'ai jamais rien vu de tel. Tu as vraiment le vent en poupe, mon ami. Une autre journée comme ça et le record de la fosse sera à nous. En plein dans le mille. Et tu sais, en plus d'un excellent dîner, je vais l'amener voir une compétition de camions monstrueux. Et qu'est-ce que t'as au programme, toi? Je vais rentrer, puis je vais m'entraîner un peu. Encore? Tu sais, il y a autre chose que la frousse dans la vie. Ouf. Eh, je peux t'emprunter ton odorant? Oui, j'ai... Ou poubelle puante ou vieux dépotoir. T'as pas marée basse? Non. Ou alors chien mouillé? Oui, on peste bien. Tu sais, je suis si romantique qu'il y a des jours où j'aimerais bien m'épouser moi-même. Tu me fais rire, Mike. J'ai une belle nuit d'amour qui n'attend que moi. Ce soir, c'est à propos de moi et... Celia. Oh, le bateau de l'amour est prêt à larguer les amarres. Et tu sais, je tiens à te le dire, son doux visage fait dire à mon cœur que... Ah! Bonjour, Wazowski. Vous planifiez une petite fiesta pour ce soir? Eh bien, je voulais justement... Vous avez rempli vos formulaires correctement, n'est-ce pas? Votre silence de stupeur est très rassurant. Oh non, mes rapports de frousse, je les ai laissés sur mon bureau. Et si je ne suis pas au restaurant dans 5 minutes, ils vont annuler la réservation. Qu'est-ce que je vais dire à mon petit chou d'amour? Salut, Cucci, poussin, on y va bientôt? Oh, j'aimerais bien. C'est que j'ai... Quoi? Tu sais, c'est que j'ai juste un tout petit... Je ne comprends pas. Non, mais... C'est que j'ai oublié de remplir un formulaire et Mike me le rappelait. Mais merci, mon cher. Ouf. C'est ça? C'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Alors, allons-y. On y va. Sur mon bureau, Sally, les copies roses sont pour la comptabilité, les copies lilas au comptoir des achats et les copies jaunes foncées sont pour Rose. Laisse les pourpres. Les copies roses pour la comptabilité, les copies lilas pour Rose. Non, les lilas vont au département des achats, les jaunes foncés sont pour Rose. Mais quel genre de couleur est le pourpre? Oh, c'est ça, pourpre. Allô? Y a quelqu'un? Y a une porte ici. Allô? Hey, psst, y a un fausseur là-dedans. Allô? Hey. Bucket. D'anniversaire, ben pas tant d'anniversaire que ça, mais celui-ci est le meilleur anniversaire de tous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, je ne faisais que me rappeler la première fois que tu m'as tapé dans l'œil, tu étais si belle. Tu me fais rougir. Tes cheveux étaient plus courts. Je voulais justement me les faire couper. Non, non, ils sont très beaux comme ça. Tu as vraiment tout pour plaire. Oh. Il y a quelques jours, on m'a demandé qui je considérais comme étant le plus beau monstre de tout Monstropolis. Tu sais ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit... Sully? Sully? Non, non, non, non, non, non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est parce mais que Mike, c'est... Mais bien sûr, il a son chance. Quelle coïncidence de vous retrouver. Voilà. Je vais commander quelque chose à emporter. Michael. Sully, qu'est-ce qu'il y a de bon au menu? Il faut que tu partes, tu es en train de tout gâcher. Et sur ces formulaires, il y avait une porte. Qu'est-ce que tu dis? Une porte. Randall était derrière. Attends une minute. Randall? Oh, quel tricheur, il essaie d'améliorer ses résultats. Il y a autre chose. Quoi? Carteri dans la lessive. Quoi? Regardons la valise. Et quelle valise? Ah! Il ne sait rien d'intéressant ici, alors à bientôt, Célia. Célia, je t'en prie, essaie de comprendre. Essayez. Je dois faire quelque chose! Michael! Là, Célia! À toi, un, deux... Un enfant! Touchez pas mon petit chou d'amour! Les meubles vides, prêts pour la décontamination. Bien, je ne crois pas que ce rendez-vous aurait pu se passer plus mal. Si l'on en croit nos différentes sources, il y aurait eu une faille dans la sécurité infantile pour la première fois dans l'histoire des monstres. Nous ne voulons pas confirmer ou infirmer qu'il y aurait eu un enfant ici ce soir. Bien, un enfant a volé au-dessus de moi et a fait exploser une voiture avec sa vision laser. J'ai essayé de me sauver, mais il m'a sauvé comme une poupée avec les forces de son esprit. Il s'est mis à me secouer. C'est vrai, j'ai tout vu. Selon mon opinion professionnelle, je dirais que le jour est venu de paniquer. En ordre alphabétique. Bon, d'accord, ça va aller. Il suffit que ça ne s'approche pas de nous et tout va bien aller. Ah! Ah! Oh, oh, tu veux ça? Va chercher. Oh, hé, hé, hé, ça suffit. On ne touche pas au petit Mickey. Mike, donne-lui Mickey. Oh non! Empêche cette chose de crier! Arrête-la! Qui me regarde? Oh, le bon Mickey! Oh, le bon petit Mickey! Oh, Sully! Oh, regarde! Oh, Mickey! Il est tout content de nounours! Il ne faut pas alors pourquoi pleures-tu? On va s'attirer des problèmes! Ils vont nous trouver! Alors, cesse de pleurer! S'il vous plaît! Oui, oui, Sully! Continue! Oui! Nounours est très heureux! Ah! Oh! Elle m'a touché! Elle m'a touché! Oh, Sully! Le nounours! Le nounours! Donne-lui le! Que ça ne le refasse plus. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu être aussi stupide? Ça pourrait détruire ma compagnie. La compagnie? Mais peu importe la compagnie. Que fais-tu de nous? Cette chose est une machine à tuer. Elle doit être en train d'attendre que l'on s'endorme. Et là, plop! Oh, nous sommes des proies faciles, des proies faciles. Elle ne fera qu'une bouchée de nous. Bon, regarde, je crois que j'ai un bon plan d'action. Nous aurons besoin de cuillères et nous allons creuser un tunnel sous la ville. Et nous la relâcherons dans la nature. Des cuillères? Ça y est, j'ai plus d'idées. Je ferme la boutique. Une montgolfière? C'est trop cher. Un lance-pierre géant? C'est trop voyant. Un énorme cheval de bois? C'est trop grec. J'ai pas de plan. J'arrive plus à penser. J'ai la tête vide. Je suis à plat. Je suis à plat. Mike, je crois qu'elle est fatiguée. Bien. Alors pourquoi tu n'y trouves pas un petit endroit pour dormir, dis-moi? Pendant que j'élabore un plan! Alors, est-ce que tu es fatiguée? Tu veux dormir? C'est ça que tu veux? Dormir? D'accord, d'accord. Je t'installe un joli petit coin pour que tu... Non, ça c'est mon lit, ça. Tu vas mettre tes microbes partout. Eh bien, ma chaise est plus confortable de toute façon. Quoi? Attends, il est peur. Ce n'est qu'un garde-robe, veux-tu t'endormir? On dirait que c'est Randall. Randall est ton monstre. Oh, tu crois qu'il va sortir de ce garde-robe et venir te faire peur? Eh ben, comment je pourrais bien t'expliquer ça? Il est vide. Tu vois? Aucun monstre là-dedans. Bien, maintenant, oui, mais je vais pas te faire peur. Je suis pas au travail. D'accord. Je vais m'asseoir ici, jusqu'à ce que tu t'endormes. Vas-y, endors-toi. Là, maintenant, tu vas dormir. Tu vas peut-être trouver ça un peu bizarre, mais je crois pas que cet enfant soit dangereux. Vraiment? Bien! Dans ce cas-là, gardons la chose. J'ai toujours voulu un petit animal qui pourrait me tuer! Écoute bien, pourquoi on ne la retournerait pas d'où elle vient? Quoi? Mike, pense-y bien. Si on la renvoie, c'est comme si rien ne s'était passé. Et tout redeviendra comme avant, hein? Tu veux rigoler? Dis-moi que tu plaisantes. Sully, je crois qu'étant donné les circonstances, j'ai été très indulgent jusqu'à maintenant, mais c'est une très mauvaise idée! Qu'est-ce que nous allons faire? Déclarer publiquement que nous détenons la chose et ensuite on n'a qu'à retourner travailler comme si de rien n'était, c'est ça? Je n'arrive pas à croire qu'on est en train de se pointer au travail comme si de rien n'était! Burk ! Sully, une vadrouille, quelques lumières et du tissu de fauteuil ne tromperont personne. Souviens-toi de tous ces monstres. Le Loch Ness, Sasquatch, l'abominable homme des neiges. Ils ont tous une petite chose en commun. Ils ont été bannis, ça pourrait être notre tour. Pas de panique, on va s'en sortir. Hé, hey, comment ça va, Frank ? Tout va très bien se dérouler. Numéro 1 veut que toutes les empreintes soient relevées. Faites attention, Dixon. J'ai une bonne vue d'ici. Un peu plus bas. Nous avons retrouvé ceci sur les lieux. Pas de panique, pas de panique. Dis pas de ne pas paniquer, tout ne va pas bien. Ça va pas bien. Messieurs, la sécurité est notre priorité numéro un. Donc s'il y a quoi que ce soit... Là, non, tout à l'heure, tout à l'heure. Oh, bonjour, mon petit. Et d'où est-ce que tu sors? Monsieur Waterloo's. Ah, James, est-ce que c'est le vôtre? En fait, c'est la fille de la cousine de ma sœur, oui. Oui, c'est la journée. Amener un vague membre de la famille au travail. Je n'ai pas dû voir le mémo. Écoutez, James, pourquoi vous ne viendriez pas au simulateur après le dîner pour venir nous faire la démonstration de force dont nous avons parlé? Ça va peut-être être un peu... Oui, j'arrive. D'accord, donc on se voit cet après-midi, James, si ces gentils messieurs n'ont pas fermé l'usine. Ah, une démonstration, eh ben c'est génial. Et pourquoi j'ai pas été mis au courant, moi? On pourra amener la fille de la sœur de ta cousine aussi, elle aura beaucoup de succès, j'en suis sûr. Maintenant-le. Allez, viens, la voie est libre. D'accord, nous n'avons qu'à nous débarrasser de cette chose. Alors tu attends là, je vais chercher la clé de sa porte. Mais elle devrait pas être ici, c'est le vestiaire des hommes. Je t'ai jamais entendu dire un truc aussi bizarre. C'est bon, ça va aller. Elle a l'air enchantée d'être ici. Regarde, elle en saute de joie. Bon, j'en reviens tout de suite avec la clé de sa porte, hein. C'est une très jolie chose que tu fais là. On dirait que tu as presque envie de... Ouh. C'est fini là-dedans. Oh, désolé, désolé. D'accord, t'as fini là, oui. Allô? Ah, oh, oh. Où est-elle? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est devenue invisible? Je n'en ai aucune idée. Hé, t'es excellente. Rose, mon joli petit bourgeon en fleurs, vous avez l'air magnifique aujourd'hui. C'est une nouvelle coiffure? Allez, avouez, vous avez une nouvelle coiffure, non? C'est soit les cheveux ou votre maquillage. Vous avez eu un lifting, une chirurgie, vous avez fait quelque chose? Quelque chose a été inséré dans votre peau pour vous faire avoir l'air de... Vous pouvez me rendre service. Randall a travaillé tard hier soir, à l'étage des frousseurs. J'ai vraiment besoin de la clé de la porte qu'il utilisait. Bien, c'est très intéressant, mais devinez quoi? Vous n'avez pas rempli vos formulaires hier soir. Il a... pas de formulaire? Ce bureau ferme à l'instant. Attention, attention, j'arrive. Je me rapproche et je sens que ça brûle, c'est très chaud. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche la gamine. Tu l'as perdue? Non, non, elle était juste... Mais elle est là. Que se passe-t-il? D'accord, continue. Randall, enfin je te trouve. Mais qu'allons-nous faire avec l'enfant? Stop première page. C'est sur la première page. L'enfant, celui que tu recherchais. Veux-tu bien te taire? Tu crois que je ne suis pas au courant de la situation? J'ai passé la nuit debout à essayer de la trouver. J'ai fait un calcul tout simple. Étant donné la taille du resto de sushi, l'enfant aurait pu s'échapper. Ouais, bien, avant d'en avoir le cornet, on va faire comme si de rien n'était, compris. Va plutôt démarrer la machine. Je me charge de l'enfant. Quand je trouverai ceux qui l'ont fait sortir, je les tuerai. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Allez, vas-y! J'ai l'air! Et c'est ça! Je suis plus là! Ils sont partis. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais de quelle machine parlait-il? Peu importe! Oh. Écoute, pas de panique. Tout ce que nous devons faire, c'est de trouver sa porte et de la retourner chez elle. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes deux monstres normaux qui allons travailler comme si de rien n'était. Quelle belle journée, les gars! Hey, ça roule, ma poule! Hey, t'as perdu du poids? Ouais, man! Tiens bien la clé de sa porte. Eh oui, j'ai la clé de sa porte. Je t'avais dit que j'aurais cette clé et je me suis procuré cette clé. Et donc, je détiens la clé. D'accord, allons-y. Et attention à toi et essaie de ne plus traverser le garde-robe. Mike, ce n'est pas sa... Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est sa porte, c'est sa non, porte. Non, sa porte était blanche non. Et il y avait des fleurs dessus. Non, il devait faire sombre hier soir parce que ça, c'est sa porte. Hé, hey, t'entends ça? On dirait qu'il s'amuse là-dedans, hein? Ok, tu m'enverras une carte postale à Mike Wazowski, au 32 rue Mike Wazowski, vous redonne votre vie. Wazowski. Très bien, alors bon voyage. Au revoir. Allez, regarde le bâton, t'as vu le bâton? Va, va, va, c'est le bâton. Va chercher. Mike, ce n'est pas la porte de Boo. Boo? C'est qui ça? Bien, c'est ainsi que j'ai décidé de l'appeler. Y a un problème? Sally, tu ne dois pas lui donner de nom. Une fois que tu l'as nommé, tu risques de t'y attacher. Donc remets cette chose là où tu l'as trouvée, ou sinon je démissionne. Oh, nous répétons une scène pour la pièce de théâtre de la compagnie qui s'appelle Remets cette chose là où tu l'as trouvée, ou je démissionne. C'est une comédie musicale. Ouais, mets cette chose-là où tu l'as trouvée, où je démissionne. Écoutez, nous sommes en pleine préparation, mais nous avons besoin de placeurs. Sonny, j'en ai eu ma dose. Alors dis-lui au revoir. Où est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce que t'en as fait? Oh, où est-elle? C'est pas vrai, elle a encore réussi à se sauver. Eh ben, bravo, c'est... Attends une minute, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais c'est parfait. Elle est partie. Hé, où vas-tu? Sonny, pourquoi tout gâcher alors qu'on est à deux doigts d'obtenir le record? Allez, viens, quelqu'un d'autre trouvera la gamine, ce sera son problème, pas le nôtre. On s'en est débarrassé. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Il répète une pièce. Oh, on s'en est débarrassé. Tais-toi, Wazowski. Qu'est-ce que tu penses de l'enfant qui est sorti sans les venins? C'est fou, non? Oui, c'est fou, hein. On a remonté sa trace jusqu'à cette usine. Tu n'aurais rien vu, toi, hein? Eh bien, non. Non, rien. Mais si ça s'est passé à l'interne, je mettrai ma main au feu que c'est Waxford. Waxford? Tu sais celui qui est au poste 6, qui a le regard fuyant. Hé, hey, Waxford! À quelle heure avez-vous... Sully! Michael Wazowski! Oh! La nuit dernière a été la pire nuit que j'ai vécue de toute ma vie, si tu veux savoir. Et moi qui croyais que tu m'aimais. Chérie, mais mon petit chou d'amour, je croyais que t'aimais les sushis. Sushis? Sushis! Je crois que le problème, c'est les sushis! Wazowski! Michael! Oh, les hommes! Respire! Respire, continue à respirer! Où est la petite? La petite? Mais quelle petite? Elle est ici, dans l'usine, n'est-ce pas? Ne mets pas ça sur le dos! Elle ne serait jamais sortie si tu n'avais pas triché hier soir. Triché? Triché? Ouais, d'accord. Je crois que je sais ce qu'on va faire pour tout régler. Que va-t-il se passer quand la cloche va sonner dans 5 minutes? On ira à la pause? Tout le monde va dîner! Ce qui veut dire que l'étage des frousseurs sera... Repas. Dessert, il sera dessert, imbécile. Tu vois l'horloge? Quand la grande aiguille pointera vers le haut et la petite aiguille pointera vers le haut, alors la porte de l'enfant sera à mon poste. Mais quand la grande aiguille pointera vers le bas, la porte sera partie. C'est le temps que je te donne pour retourner l'enfant d'où il vient. T'as compris? Non. Boubou. Non. Hey, là-bas. Oh. Halt. C'est lui. C'est Lucas Alonso, publicitaire de Dire Matisse. C'est bien lui. Vous pouvez le signer en autographe. Oh, oui, pas de problème. Vous pourriez l'adresser à Bethany, merci. Oh, oui, voyons voir. De ton copain le Frousseur, bonne chance. Alors j'ai dit, si tu me reparles encore sur ce ton, c'est fini entre nous. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu connais ma mère? Elle m'a envoyé dans ma chambre. Au revoir et à plus tard. Et voilà le travail. Toi. Alors, comment t'appelles-tu, mon petit? Mike Wazowski. Désolé. Oh, Soli! Eh bien, on dirait que Wazowski a des problèmes. Hey, 23-19! Nous avons un 23-19! Oh, attrapez-le! Soli! Soli! Soli! J'ai des bonnes nouvelles. J'ai réussi à tout régler, mais il faut se dépêcher. Mais où elle est la chose? Soli, c'est un cube de poubelle. Je continue à entendre sa petite voix. Je crois que je l'entends aussi. Dis donc, il y a combien d'enfants là-dedans? Oh, tu vas bien, j'étais si inquiet. Oh, je ne veux plus jamais que tu refasses une chose pareille, jeune fille. Oh, mais je suis si content qu'il aille bien. Oh, le gentil papa. Il est très affectueux, non? En fait, c'est la sœur de ma cousine. Et d'accord, Sally, ça suffit. On y va. Mike Wazowski! Oui, c'est ça. Allez, pousse-toi. Mais arrête de la faire rire. Je n'ai rien fait. Alors, couille-toi. Je ne comprends toujours pas. Tu as la porte debout. Je t'expliquerai plus tard. Allez, cours! On y va, allez, fonçons. Oh, faites qu'elle soit là. La voilà. Comme Randall l'a dit. Randall, attends une minute. Un, deux, trois, quatre, nous ne l'aurons plus dans les pattes. À nous la liberté, fini le cauchemar. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'elle a? Allez, c'est l'heure du départ, non? Mike, qu'est-ce que tu crois faire? On ne peut pas se fier à Randall, il veut avoir bout. Et alors, allons-y, c'est une offre à durée limitée, une belle offre. Non, j'aime pas ça. Écoute, Sully, tu voulais sa porte, et la voici, alors activons. Non, oui. Tu veux que je te prouve que tout va bien se passer? Bon, s'il veut la porte, je lui donne la porte. Mike, paranoïa aiguë, voilà ce que c'est. Mike. Yeah. t'es-tu passé aujourd'hui? Sully! Sully! Mike? Mike? Mais où es-tu? T'es là-dedans? Mais où te caches-tu? Mike? Mais où es-tu? Oh! J'ai cassé la bédou! Bouh! Joli coup! Tu veux venir ici me filer un coup? Ah! T'as qu'à y aller, profitons-en pendant qu'on est encore jeune. Oh, cet enfant pourrait bien avoir quelques kilos! Wazowski! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, crétin cyclope? Alors, premièrement, c'est crottin. Si tu veux m'insulter, fais-le comme il faut. Deuxièmement, tu es fou de croire qu'en me kidnappant, ça t'aidera à tricher jusqu'à ce que Gloire s'en suive! Tu crois que ça a à voir avec ces stupides records de Frus? Eh bien, je le croyais jusqu'à ce que tu rigoles comme ça. Et là, je me dis que je devrais peut-être partir d'ici. Je me prépare à révolutionner le monde de la Frousse. Et quand ce sera fait, même le grand James P. Sullivan travaillera pour moi. Bon, eh bien, on dirait que t'as bien fait tes devoirs. Avant tout, je veux retrouver l'enfant. Et tu vas me dire où elle est. Je ne sais rien du tout. Ah ouais, c'est ça. Je ne sais rien. C'est vrai, rien du tout. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Hey. Oh, hey. Arrête ça. Non. Ça bouge, ce machin. Hey, s'il te plaît. Je n'aime pas les gros machins qui bougent et qui se dirigent tout droit vers moi. Non, arrête ça. Hey. Attends. Sois gentil et dis bonjour à l'extracteur de cris. Bonjour. Allez, où est-ce que tu vas? Viens, on va se parler, on va prendre un café. Allez, viens, on va discuter de tout ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Je ne sais pas, j'ai calibré la traction, vérifié la machine. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec la valve de cri. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec les modèles 3250. La valve de cri usée est toujours la première à tomber en panne. C'est un défaut de fabrication. Déjà, il y a une pire qualité. Psst, Fungus. Fungus, tu aimes les voitures, hein? Parce que j'ai une très belle voiture. Tu me laisses partir, je te ferai faire un tour dans ma voiture. Je t'en prie, Fungus. Je suis désolé, Wazowski, mais Randall m'a demandé de ne pas fraterniser avec les victimes de son hideux complot. Ah! C'était pas fait. Où est Wazowski? Où est-il? Allez. C'est pas croyable. Il va nous tuer. Attention, ça pourrait être contaminé. Il faut qu'on sorte d'ici, illico. On va se refaire une nouvelle vie dans un endroit lointain. Au revoir, Monstre Inc. Au revoir, Monsieur Waternoose. Non, Mike, attends. Hé, qu'est-ce que tu fais? Viens, suis-moi, j'ai une idée. Non. Non. Mais que faites-vous là? Vous devez faire peur aux enfants par les endormir. Je voulais jouer le rôle du serpent style ninja farouche avec un petit sifflement. Oh, combien de fois vais-je devoir le répéter? Ce qui compte, c'est votre présence, la manière dont vous entrez dans la chambre. Monsieur Watulus, James, comme vous tombez bien. Non, non, non, non, monsieur, vous ne comprenez pas. Enseignez à ces monstres comment faire. Je ne peux pas. Monsieur, vous devez m'écouter. Allons, allons, un peu d'attention, vous allez bientôt voir le maître à l'œuvre. Préparez le simulateur. Monsieur. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. Faites beau rêve, fiston. Non, non, non. Nous vous écoutons, grenier. Monsieur Watenous, ce n'est pas le temps de faire ça. Allez-y, mais qu'attendez-vous comme ça? Grenier! Mais monsieur... Grenier! Bravo! Excellent, James. Vous? Eh bien, messieurs, par ici, j'espère que vous avez appris quelque chose en matière de frousse aujourd'hui. Lisez le chapitre 2 et 3 de vos manuels. On se voit demain matin. Bouh. Bouh. Bouh, c'est moi. Oh, l'enfant. Monsieur, elle n'est pas toxique. Quoi? Je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais croyez-moi. Bouh. Non, non, non, ça va. C'est que j'essayais. Oh, non, non, non, non, ne crains rien. Je faisais semblant. C'est que je voulais. Essaie de tuer. Tout ça, c'est de la faute à Randall. Randall? Oui, et nous pouvons vous mener à son labo secret qui est ici, dans cette usine. Comment cela a-t-il pu arriver? Oh, comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Non, monsieur. Bien. Cette compagnie ne peut plus se permettre toute cette mauvaise presse. Bon, avant de faire quoi que ce soit, l'on doit s'occuper de l'enfant. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. Pas dans ma propre usine. C'est dommage que vous vous soyez mêlé de tout ceci, en particulier vous, James. Mais on va finalement pouvoir tout remettre en ordre, pour le bien de la compagnie. Monsieur, ce n'est pas sa porte. Je sais, je sais. C'est la vôtre. Oh, oh. Ah. Dommage qu'il ait été dans le coup depuis le début. Tu sais ce que t'aurais dû faire? T'aurais dû m'écouter pour une fois. Mais t'as refusé, n'est-ce pas? Tu ne m'écoutes toujours pas. Bienvenue dans l'Himalaya. Abominable! Non, mais vous comprenez ça, vous? Est-ce que j'ai l'air d'être abominable? Et pourquoi ne peuvent-ils pas m'appeler l'adorable homme des neiges ou l'agréable homme des neiges? Non, mais c'est vrai! Je suis plutôt sympa. Une glace? Oh non, soyez sans crainte! C'est au citron. Et pour vous, grand gaillard, une petite glace? Vous avez vu comment elle me regardait? Ah, pauvre gars. Ah non, je comprends, hein. C'est pas facile d'être banni. Ouais, prenez mon copain Bigfoot. Lorsqu'il a été banni, il s'est fabriqué une énorme couronne avec de l'herbe à puce. Il la portait sur sa tête comme un diadème. On l'appelait le roi de la gratouille. Ça risque d'être plus facile pour vous. Enfin, je veux dire, vous avez eu un sacré coup de chance, hein. Banni avec son meilleur ami. Ce n'est pas mon ami. Ah, ben, j'ai cru que vous étiez des amis lorsque je vous ai vus dans les bras l'un de l'autre dehors. Regardez-moi ce gros bêta. Il a gâché ma vie. Et pourquoi? Pour une sale gamine. À cause de toi, je suis condamné à vivre dans un enfer de glace. Un enfer? Vous voulez plutôt dire un paradis? Et que dire de toute cette merveilleuse neige, hein? Et attendez de voir le village du coin, tout à fait pittoresque. Et vous savez, nous avons du lait de yak en abondance. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, du lait de yak. Traire un yak n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais une fois qu'on a réussi à enlever les poils, c'est très nourrissant. Non, vous avez parlé d'un village. Où est-il? Est-ce qu'il y a des enfants? Des enfants? Oui, il y a des têtus, des peureux. Il y a ceux qui grimpent partout. Où est-ce que c'est? Il est au pied de la montagne. Une randonnée de 3 jours. À 3 jours? Il faut y être tout de suite. Vous voulez vous rendre au village? D'accord. Règle numéro 1 par ici. Toujours... non. Ne jamais sortir durant une tempête. Il faut retrouver Boo. Boo? Et nous dans tout ça? Depuis l'arrivée de cet enfant, tu n'écoutes plus jamais ce que je dis. Et regarde ce qui nous arrive. Oh, nous étions sur le point d'obtenir le record, Sully. L'affaire était dans le sac. Ça n'a plus aucune importance. Ça n'a plus d'importance. Attends une seconde. Plus d'importance? D'accord, c'est... non, c'est bien, génial. Alors c'est notre minute de vérité, c'est ça? Oh, regardez-moi ça! Nous n'avons plus de cornets de glace. Laissez-moi aller dehors en faire quelques autres. Sully, ce que nous avons bâti, qu'est-ce que tu en fais? Ça n'a plus d'importance, hein? Et qu'est-ce que tu fais de Célia? Je ne vais jamais, jamais pouvoir la revoir. Et c'est sans importance. Et moi, dans tout ça, je suis ton copain, je suis ton meilleur ami. Et je suis sans importance. Je suis désolé, Mike. Je suis désolé qu'on soit coincé ici. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais Boo a des ennuis. Je crois que nous pouvons la sauver, si nous pouvions tout simplement... Nous? Oh, nous? Non. Oublie ça. Je veux plus jouer. Tu veux sortir dans la tempête et mourir de froid? Vas-y, fais à ta tête. Tu es tout seul maintenant. J'ai d'autres cornets de glace? Allez, mon George, je sais que tu peux le faire. J'ai choisi une porte très, très facile. Au Népal, il fait toujours beau au Népal. Tu sais, tu as raison. Tiens, prends ça. Vas-y, mon George. Dégagez, attention, j'arrive. Désolé, George. Hé, hey, vous ne pourriez pas... Oh, 23-19. Ôtez-vous de mon chemin. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. À cause de toi, j'ai dû bannir mon frousseur en chef. Ah, avec cette machine-là, nous n'aurons plus besoin de frousseur. Et puis, Sullivan a eu ce qu'il mérite. Sullivan était un bien meilleur frousseur que toi. Mmh. bout. On va à la maison. Achève-le. Tu peux pas savoir depuis combien de temps j'avais envie de faire ça, Sullivan. Mike, écoute, ce n'est pas que je me fiche de cet enfant. Mike, tu ne comprends pas. Oui, je comprends. J'étais un peu fâché, c'est tout. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Tu n'aurais pas dû m'abandonner là. Non, je ne t'attaque pas. Je veux simplement être honnête. Alors écoute-moi un peu. Toi et moi, nous formons une équipe. Il n'y a rien de plus important que notre grande amitié. Oui, je sais, il est trop sensible. Non, arrête un peu. Si tu te mets à pleurer, je vais pleurer et je m'en sortirai jamais. Je m'excuse de ne pas toujours avoir été présent, mais là, je le suis. Hé, hey, Sully, je suis en train de mettre mon cœur à nu. Et la moindre des choses, c'est que tu sois attentif. Hé, hey, regarde ça, c'est Randall, c'est... Oh. Allez, viens. Relève-toi. Il ne doit pas y avoir de témoins. Oh, il n'y en aura pas. Je suis content que tu sois revenu, Mike. Quelqu'un doit bien s'occuper de toi, grosse boule de poil. Mon petit chou d'amour, j'ai pas vraiment le temps. Allons-y. Michael, si tu ne me dis pas ce qui se passe maintenant, c'est fini entre nous, tu m'entends? C'est fini. D'accord. La vérité, c'est que l'enfant que tout le monde cherche, Sully l'a laissé entrer. Nous avons essayé de la renvoyer chez elle, mais Waterneuse a tramé un complot. Et la Randall est en train de nous suivre et va essayer de nous tuer. Tu crois peut-être que je vais avaler toutes tes sornettes, Mike Wazowski? Mike Wazowski. Je t'aime, mon petit chou d'amour. Hey, cache-bouche-toi. Attention, laissez-nous passer les poissons. Poussez-vous, dégagez. Dépêche-toi. J'étais debout quand... Les voilà. Tout juste de battre le record de Frousse de tous les temps. Vas-y, couchi-couchi. Elle est là. Laisse-moi passer. Sully, qu'est-ce que tu fais? Accroche-toi, Mike. Mais t'as perdu, là. Dégageons d'ici. Sully, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons trouver la porte de boue et puis trouver un poste de travail. Oh oui, bravo, c'est tout un plan. Simple, mais... complètement faux! Derrière toi. toi. Vas-y, avance. Ça, c'est bizarre. Bonjour. Hey, le lézard, j'espère que ça t'a fait mal. Beau travail, Mike. On l'a bien eu. On se rappelle et on déjeune. Ouvre la porte. C'est ce que je fais. Fini. Allez, viens. Avec plaisir. Loin, loin, Bob. Ça, c'est vrai, Bou. Tu as réussi. Tu l'as bien eu. On y va. Allez, Bou, c'est le temps de rentrer. Fais attention à toi et sois bien sage, c'est d'accord, Oh, non. Il n'y a plus d'électricité. Fais la rire une autre fois. D'accord, regarde bien ça. Tu vas te bidonner. Oh, désolé, n'a rien vu. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as oublié de voir si son capuchon est élevé, gros bêta? Oncle Mike, essaie de ne pas crier devant elle. Tu sais qu'on doit encore la faire rire, hein? C'est vrai. Et vous, je rigolais. Regarde. C'est drôle, ça, non? T'as vu le... Ah, je peux pas toujours être drôle. Qu'est-ce qui se passe? La porte arrivera à son poste, coupez l'alimentation. Vous aurez et l'enfant et les criminels responsables de toute cette pagaille. Super, un comité d'accueil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller où? D'accord, c'est gagné. Vous m'avez eu, voici l'enfant, je coopère. Mais avant que vous nous enfermiez, j'ai une chose à dire. Attrapez! Suis-moi, ne le laissez pas s'échapper! Attendez, revenez, c'est lui qui a l'enfant! Sullivan, donnez-moi l'enfant. Non, pas moi là. Donnez-le-moi. saine et sauve. Sois bien sage, c'est d'accord. Vous avez dépassé les limites, James. Elle est revenue chez elle, alors laissez-la tranquille. Je ne peux pas faire ça. Elle en a trop vu. Et vous en avez trop vu aussi. On pourrait s'arranger autrement. Je n'ai pas le choix. Les temps ont changé. La frousse ne rapporte plus assez. Mais kidnapper des enfants? Je kidnapperai des milliers d'enfants avant de laisser cette compagnie mourir. Et je ferai taire quiconque m'empêchera de le faire. Non! Bonne nuit, maman. Simulation terminée. Bien! Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais moi, j'ai repéré plusieurs grosses erreurs. Comment avez-vous... Regardons mon passage préféré. Action! Je kidnapperai des milliers d'enfants avant de laisser cette compagnie mourir. Avons-nous l'autorisation de l'arrêter? Je crois que nous avons suffisamment de parole. Numéro 1. Je vais l'arrêter. Mais que faites-vous? Ne me touchez pas! Vous ne pouvez pas m'arrêter! J'espère que vous êtes content, Sullivan! Vous avez détruit cette compagnie! Monstre incorporé, c'est fini! Où les gens vont-ils trouver des cris? La crise énergétique va s'empirer! À cause de vous! Restez où vous êtes. Numéro 1 voudrait vous parler. Attention! Salut, les gars. Rose? 2 ans et demi à faire, l'agent secret ont presque été gâchés lorsque vous avez intercepté cet enfant Sullivan. Bien sûr, sans votre aide, je n'aurais jamais su que même Monsieur Waternose était impliqué. Bon, et la petite alors? Je veux la retourner chez elle. Excellent. Apportez-moi le déchiqueteur. Vous voulez dire, jamais je ne la reverrai? C'est ainsi que ça doit se passer. Je vous donne 5 minutes. Eh bien, enchanté. Mike Wazowski. Ah, ouais. Oh, Boo, ça a été super. Allez, va grandir. C'est joli, tu sais. Ça, c'est poupée. Oui, c'est mignon. Oh, Nadi. Mais c'est très bien. Viens ici, toi. Oh, quel beau petit nounours. Rien ne sortira de ton garde-robe pour venir te faire peur, t'entends? Ouais. Au revoir, Boo. Oh, je dois y aller. Oubliez tout ce qui vient de se passer, vous m'entendez? Et je ne veux voir aucune paperasse à ce sujet. avoir congé pour le reste de la journée. L'usine va fermer ses portes. Vraiment, t'aurais dû voir la tête que faisait Monsieur Waternoose lorsque le mur s'est levé. Wouhou, je vais avoir une copie de cette cassette. Eh, ça va aller? Allez, mon vieux, tu devrais être content. Boo est chez elle. Oh, c'est sûr, nous avons ruiné la compagnie et des centaines de personnes sont sans travail. C'est sans mentionner tous les enragés qui voudront notre peau quand ils auront une panne d'énergie. Mais, hey, au moins, nous avons bien ri, pas vrai? Rire. Allô? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hé, bonne soirée, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Et c'est vraiment super d'être ici dans votre chambre. D'où venez-vous? Peu importe, vous fréquentez l'école maternelle, n'est-ce pas? Oh, j'adore la maternelle, c'était les plus beaux 3 ans de ma vie. De ma vie. Mais j'adore les sports. Et que dire du ballon chasseur? Ah, j'étais le plus rapide de tous. Car c'était moi le ballon. Mais c'était moi le ballon, tu vois? D'accord. Merci beaucoup, je serai là toute la semaine. N'oubliez pas de donner pour boire aux serveuses. Bravo, Mickey, tu as atteint ton quota avec le premier enfant de la journée. Pas mal, hein? Tu sais, c'est seulement avec un minutage parfait de la comédie que l'on peut produire autant d'énergie en une fois. Ah oui, et le fait que le rire soit 10 fois plus puissant que des cris n'a rien à voir avec ça, hein? Oh, Gucci, mon poussin. Approche. Mon petit chou d'amour! Gucci, oh. Wow. Hey, les filles, non, les filles, arrêtez. Oh my god, tu es un vrai charmeur. Hey, as-tu apporté le magazine? Ils nous en ont livré une grosse boîte. Laisse-moi voir. Sully et moi sommes sur la couverture, hein. C'est pas croyable. Gucci, poussin. Je suis sur la couverture d'un magazine. Wow. Oh, tout ça est génial. Salut. Oh, salut, Mike, je... Bah, écoute, si t'as une minute, il y a quelque chose que je voudrais te montrer, mais, d'accord? Mais... Alors ferme tes yeux et suis-moi. Oh, je... Allez, viens. Ne triche pas, hein. On avance. Allez, on avance. Ah. Allez, tu n'as qu'à suivre le ton sensuel de ma voix. Et stop. Ouvre les yeux. Ta-da. Mike. Est-ce là? Désolé si ça s'est fait si lentement. Il y avait beaucoup de bois à travailler. Tu sais, ça ne fonctionne que si on a tous les morceaux. Si j'étais vraiment riche, si j'avais des millions, je vivrais dans un palace, admirant l'horizon. Et si j'étais bel homme? Impossible. Mais pourquoi? Car les rêves, c'est comme ça. Je ne serais rien si tu n'avais pas été là. Je ne serais rien si tu n'avais pas été. Je ne serais rien si tu n'avais pas été, je ne serais plus rien. Eh oh, écoute-moi un instant. Si longtemps j'ai envié tes vers de jalousie, ta grâce et ton charme, car tout le monde t'adore, tu le sais. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais je dois bien l'admettre, on peut toujours compter sur toi. Ouais. Je ne serais rien si tu n'avais pas été là. Toi et moi réunis, cela devrait être ainsi. L'un sans l'autre une seule fois, ça ne veut rien dire pour moi. Rien dire pour moi. Je ne serais rien, tu sais. Ah, voyons. Si je n'étais pas ton valet, je ne suis qu'un gros œil exorbité. Tu vois, j'ai le nerf en paquet. Écoute, jamais je ne t'ai dit ça, mais oui, j'ai les blues parfois. Ça te va très bien, tu sais. Je ne serais rien si tu n'avais pas été là. Allez, dansons. Regarde, maman, je danse. Tu veux bien que je conduise? Voyez-vous ça, un gros toutou au pied agile. Ne me fais pas tourner, ne me fais pas tourner, ne me fais pas tourner. Oh, j'aurais dû me réchauffer. Ouais, je ne serais rien du tout si tu n'étais pas là. Je comprends très bien, Sully, parce que... Et je saurais où aller. Et moi donc, parce que... Où aller et quoi faire. Pourquoi tu chantes à ma place? Tu sais, je n'ai pas à le dire. Et je le dirai quand même. Parce qu'on le sait tous les deux. Je ne serais rien si tu n'avais pas été. Je ne serais rien si tu n'avais pas été. Je ne serais rien si tu n'avais pas été là. Je ne serais rien si tu n'avais pas été là. Encore une fois, ça marche. Je n'ai pas à le dire. Mais d'où ils viennent ceux-là? On le sait bien tous les deux. Allez mon grand, on se l'emballe. Je ne serais rien si tu n'avais pas été. Je ne serais rien si tu n'avais pas été. Je ne serais rien.